Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 25. De la puissance de Dieu. Définition. À quoi elle s'étend? Ce que Dieu pourrait faire. 1. Y a-t-il puissance en Dieu? On distingue deux sortes de puissance, l'une passive, qui n'est en Dieu d'aucune manière, l'autre active, qu'il possède suréminemment. Plus un être est parfait, plus il est principe actif, plus il est imparfait, plus il est passif. Dieu, qui est souverainement parfait, n'admet point la passivité, il est la puissance active par excellence. Aussi Daniel chantait-il, « Vous êtes puissant, Seigneur, et votre vérité est autour de vous. » Psaume 88, 9. 2. La puissance de Dieu est-elle infinie? La puissance de Dieu est infinie comme son être même. Pourquoi n'aurait-elle pas la même étendue que son être, qui est infini, illimité? Observez la nature, vous verrez que tout agent a une puissance d'autant plus grande que le principe par lequel il agit est plus parfait. Plus un corps, en effet, est chaud, plus il a de puissance pour échauffer les autres corps. Supposez leur infiniment chaud, il aura une puissance infinie pour les échauffer. L'essence divine par laquelle Dieu agit est infinie, donc sa puissance l'est aussi. Note. S'ensuit-il qu'il soit nécessaire que la puissance de Dieu manifeste des effets infinis? Nullement. Dieu n'étant pas un agent de même nature que ses créatures, l'effet qu'il produit est toujours inférieur à sa puissance. Le soleil déploie-t-il toute sa force pour faire sortir un animalcule du sein de la putréfaction? Fin de la note. 3. Dieu est-il tout-puissant? Aucune parole, nous dit la Sainte Écriture, n'est impossible à Dieu. Luc 1, 13. Tout le monde convient que Dieu est tout-puissant, c'est une suite de la vérité précédente. Mais en quoi consiste sa toute-puissance? Voilà ce qui ne paraît pas facile à définir. Que signifie cette proposition « Dieu peut tout » Veut-elle dire que Dieu peut tout ce qui est possible aux créatures? On juge bien que la puissance divine va plus loin. En y regardant de près, on ne tarde pas à se convaincre que cette expression « Dieu peut tout » s'entend du possible absolu. Que faut-il entendre par le possible absolu? Tout ce qui peut avoir la nature de l'être. Or, comme il n'y a que le non-être qui soit opposé à la nature de l'être, on ne trouve hors des possibles absolus que ce qui implique l'être et le non-être en même temps. Être et non-être, voilà ce qui ne peut être fait, ce qui seul est impossible. Mais tout ce qui n'implique pas contradiction rentre dans la sphère des possibles, à l'égard desquels on dit que Dieu est tout-puissant. Note. Dieu ne peut pas pécher, précisément parce qu'il est tout-puissant. Le péché est un défaut de perfection dans l'acte, une défaillance de l'agent. Fin de la note. 4. Dieu peut-il faire que les choses passées n'aient pas été? Malgré sa puissance, Dieu ne peut pas faire que les choses passées n'aient pas été, cela implique contradiction. Ne serait-ce pas se contredire que d'avancer cette proposition, Socrate a été assis et il ne l'a pas été, tout aussi bien que si l'on disait, Socrate est assis et il ne l'est pas? Faust disait à saint Augustin, si Dieu est tout-puissant, qu'il fasse que les choses qui ont été nées point été. L'évêque d'Hippone lui répondait, c'est comme si vous disiez, que Dieu fasse que les choses vraies soient fausses par cela même qu'elles sont vraies. Par où l'on voit qu'il échappe au pouvoir de Dieu d'empêcher que les choses faites n'aient point été faites. Note. Dieu, pour réparer la charité et la virginité, effacera bien la souillure de l'âme et du corps, mais fera-t-il qu'elle n'ait pas existé? Non, il ôtera les péchés, mais il ne fera pas que le pécheur n'ait point péché et perdu la charité. Fin de la note. 5. Dieu peut-il faire ce qu'il ne fait pas? Qui peut en douter? Lorsque Jésus-Christ a dit, « Pensez-vous que je ne puisse pas prier mon Père, et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Matthieu 26, 53. Le Sauveur n'a pas fait cette prière, le Père n'a pas envoyé les anges. Dieu peut donc faire des choses qu'il ne fait pas. Nous avons prouvé que Dieu n'agit pas par nécessité, qu'il produit les choses par sa volonté, et qu'il se détermine librement. Qui pourrait donc l'empêcher de faire succéder un autre ordre de choses à celui qui existe dans l'univers? Sans doute il ne peut abdiquer ni sa sagesse, ni sa justice, mais le plan de ce monde égale-t-il sa science divine? Sa sagesse ne saurait-elle rien produire au-delà, de telle sorte qu'elle y trouve sa dernière limite? Il est très vrai que l'homme sage règle les choses qu'il fait sur la fin qu'il se propose, et que, quand la fin est dans une proportion rigoureuse avec les choses, il doit se renfermer dans certaines combinaisons déterminées, mais, comme la bonté divine, qui est la fin universelle des choses, dépasse infiniment les êtres créés, Dieu n'est pas borné à l'ordre actuel de l'univers, il peut en concevoir un autre et le produire. La puissance de Dieu va donc au-delà de son exercice ordinaire. 6. Dieu pourrait-il faire des choses meilleures que celles qu'il a faites? Oui, nous en avons pour preuve l'autorité de saint Paul. Dieu peut faire, dit ce grand apôtre, infiniment plus que tout ce que nous demandons et tout ce que nous imaginons. Éphésiens 3:20. Pour écarter toute confusion dans les idées, distinguons en chaque objet de sorte de bonté, l'une qui tient à l'essence des choses, l'autre qui est accidentelle. Sous le rapport de ce qui constitue l'essence des choses, par exemple, l'être raisonnable dans l'homme, Dieu fera, si vous voulez, une chose meilleure qu'une autre, mais il ne fera pas que la nature même de la chose soit meilleure qu'elle n'est, parce qu'il en changerait l'espèce. Rendez le nombre 4 plus grand, ce n'est plus le même nombre, c'est un nombre supérieur, l'espèce est changée. Dieu, de même, ne saurait rendre une chose meilleure, dans son essence, sans la changer. Quant à la bonté qui n'est pas de l'essence des êtres, comme la justice, la sagesse, vertus accidentelles en nous, Dieu peut améliorer ce qu'il a fait. Donc, absolument parlant, et c'est là notre conclusion générale, Dieu peut faire de meilleures choses que celles qu'il a faites, et rendre meilleures accidentellement celles qui existent. Note. Mais, enfin, le monde qui existe pourrait-il être meilleur, plus parfait qu'il n'est? Je distingue, les êtres qui existent étant donnés, ce monde est le meilleur possible, car Dieu a soumis les êtres qu'il a créés à l'ordre qui convient le mieux à leur nature, de manière à former un ensemble parfait. Vouloir qu'une seule créature fût d'une nature meilleure, ce serait troubler l'ordre dans ses proportions, de même qu'on détruit la corde de la lyre en donnant trop de tension à une corde. Que Dieu puisse ajouter de nouvelles créatures à celles qui existent, créer d'autres êtres différents de ceux-ci, personne ne le nie, nous aurons, si vous voulez, un monde meilleur, mais ce sera un autre monde. Ôtez nos funestes progrès, ôtez nos erreurs et nos vices, ôtez l'ouvrage de l'homme, et tout est bien. Confère Jean-Jacques Rousseau. Pour ce qui est de l'objection qu'on pourrait faire touchant l'humanité du Christ, qui ne saurait être meilleure, il faut dire que, étant uni à Dieu, et l'empreinte au bien infini, qui est Dieu même, une dignité infinie, et que, sous ce rapport, rien n'est meilleur qu'elle. Il en faut dire autant de la béatitude des élus, qui est la jouissance de Dieu même, et de Marie, Mère de Dieu, qui a pareillement une certaine dignité infinie, qu'elle tient du bien infini lui-même. Fin de la note. Question 26. De la béatitude de Dieu. Heureux en lui-même, Dieu est encore la source de toute béatitude. 1. La béatitude est-elle en Dieu? Saint Paul appelle Dieu le seul heureux et le seul puissant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, 5. C'en est assez pour montrer que la béatitude doit lui être tout spécialement attribuée. La béatitude est le souverain bien d'une nature intelligente qui connaît le bien qu'elle possède, y trouve sa satisfaction et reste maîtresse de ses opérations. Or, Dieu est, au suprême degré, le bien parfait et l'intelligence même, donc la béatitude lui appartient souverainement. Note. On dira peut-être que la réunion de tous les biens et de toutes les perfections qui constituent la béatitude doit former en Dieu un tout composé. Ne le craignez pas. Tous les biens rassemblés en Dieu forment une pure unité dans la simplicité de son être. Nous l'avons dit, ce qui est multiple et divisé dans les créatures préexiste en lui à l'état de simplicité et d'unité. Fin de la note. 2. La béatitude de Dieu est-elle dans son intelligence? Qu'est-ce, encore une fois, que la béatitude? Sinon le souverain bien de l'être intelligent, or, le bien le plus parfait de l'être intelligent est dans les opérations intellectuelles par lesquelles il embrasse, pour ainsi dire, toute chose. Puisque donc la béatitude de tout être intelligent consiste dans l'exercice même de l'intelligence, nous devons dire que la béatitude est en Dieu par son intelligence, comme elle est dans les bienheureux, qui ne sont ainsi appelés que par assimilation à son bonheur. Note. La béatitude est la récompense de la vertu dans celui qui l'acquiert, mais Dieu la possède sans le mérite, comme il a l'être sans être engendré. Fin de la note. 3. Dieu lui-même est-il la béatitude des bienheureux? Pour répondre à cette question, je ferai une distinction. Dans l'exercice de l'intelligence, on doit considérer l'objet et l'acte. Sous le rapport de l'objet, on ne peut pas douter que Dieu ne soit la béatitude des bienheureux. Heureux celui qui vous connaît, s'écrit saint Augustin, parlant à Dieu. Heureux celui qui vous connaît, quand même il ignorerait tout le reste. Sous le rapport de l'acte, la béatitude des justes est quelque chose de créé en eux, tandis qu'en Dieu elle est quelque chose d'incréé. Note. Ainsi la béatitude, considérée dans son objet, est le souverain bien absolu, c'est-à-dire Dieu même, mais, considérée dans l'acte de l'intelligence créée, elle est le souverain bien tel qu'il peut être communiqué à la créature. La béatitude créée n'est autre que l'usage ou la jouissance du bien suprême, qui est Dieu. Aussi, dans le ciel, la béatitude de l'un est-elle plus grande que celle de l'autre? Une étoile, dit saint Paul, diffère d'une autre étoile en clarté. Corinthiens 15, 41. Fin de la note. 4. Toute béatitude est-elle renfermée dans celle de Dieu? Tout ce qui peut exciter le désir dans le bonheur, vrai ou apparent, préexiste dans la béatitude de Dieu d'une façon suréminente. En effet, s'agit-il du bonheur contemplatif, Il le possède par le spectacle continuel de lui-même et de toute la création. S'agit-il du bonheur actif? Il en jouit en gouvernant l'univers. Parlez-vous de la félicité terrestre, qui consiste dans les plaisirs, les richesses, la puissance, la gloire? Il a la joie et le contentement qu'il trouve en lui-même et dans tous les êtres. Son pouvoir et sa toute-puissance, sa dignité, l'empire de l'univers, et l'admiration de toutes les créatures et sa gloire. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.